Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio des Boutières et c'est votre émission d'actualité musicale Zik Actu. Cependant, cette émission est un peu particulière, il s'agit d'une rediffusion car nous sommes le 17 mars et le 17 mars, vous le savez, c'est la Saint-Patrick, le saint patron des Irlandais et donc de la bière et de la musique irlandaise. C'est donc pour ça que je suis en train de faire un concert et donc j'ai le don d'ubiquité, je suis en même temps à la radio avec Linda. Bonsoir Linda. Bonsoir. Et oui, cette émission est particulière parce qu'il s'agit d'une rediff, d'une part, ça j'en ai déjà parlé, mais il s'agit aussi d'un ping-pong musical. Il me faudrait presque un jingle pour dire ping-pong musical, ça sera encore mieux. Le ping-pong... Très bien, on va travailler ça avec Linda pour les prochaines émissions. Le ping-pong musical, les règles sont très simples. Linda commence à passer un disque et moi... Je me débrouille pour trouver un titre en rapport avec son premier titre et vous le diffusez et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'émission pendant une heure. Linda, qu'as-tu choisi de passer pour commencer ? Alors pour commencer, j'ai choisi le solo de Keith Jarrett à Cologne, donc The Köhn Concert, le début de son fameux concert en solo qui est magnifique. Très bien, on écoute Keith Jarrett donc. Vous écoutez actuellement Keith Jarrett. Donc c'est un extrait du Köhn Concert, donc le concert à Köln qui est donc en Cologne. Cologne. C'est ça ? Exactement. Ok. Donc est-ce que tu as des choses à préciser sur ce concert ? Est-ce que tu y étais ? Je n'étais pas née, mais en tout cas c'est mon père qui m'a fait écouter ce disque qui a été pour moi ma première écoute vraiment jazz. Et au piano en plus, l'instrument que je faisais. Donc, Donc Linda, pour vous situer, Linda est pianiste de formation classique et jazz, et essentiellement sur la scène jazz actuellement. Ouais, plutôt. Ok, et ben donc moi je tiens à vous préciser que je ne suis pas un spécialiste du jazz du tout. Donc pour ce difficile exercice du ping-pong musical, ça risque d'être un peu compliqué. Cependant, je pense à un titre de Paris Combo qui s'appelle Sous la Lune, avec une introduction de piano magnifique. C'est une version live, il y a du piano, du jazz, cette fois du jazz vocal, avec donc Paris Combo Sous la Lune en live. Sans rancune, sous la lune, on applaudit les somnambules, pas trop fort, juste un réconfort pour leurs efforts. Celui de leur pas sur les toits, cible ou sensible, tu t'immobilises au bord de l'abîme. Trois pas en arrière, que glace. La Lune du groupe Paris Combo que Gaël a choisi. Et ce que vous entendez actuellement, c'est un solo de trompette dans une bassine d'eau. Ah ouais. Donc c'est assez exceptionnel pour être précisé. Et donc Linda, c'est à toi. À quoi ça voilà, on continue notre ping-pong musical. À quoi ça te fait penser, Paris Combo? Alors j'ai entendu la chanteuse qui m'a fait penser à une autre chanteuse qui s'appelle Anne Silla, une copine de Valence, qui va nous interpréter là avec,

sera comme la nuit. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. C'était Anne Silla et le Magnétique Orchestra, Demain dès l'aube, sur un texte de Victor Hugo et donc une musique de Anne Silla, que vous entendez donc bien au début et à la fin, au violoncelle, en plus d'être chanteuse, elle est violoncelliste. Moi, du coup, je te propose, Linda, de rester dans la poésie mise en musique, avec un groupe qui s'appelle AS Dragon, qui n'existe plus depuis peut-être une dizaine d'années. Mais ce titre s'appelle « Un hémisphère dans une chevelure » et c'est un texte de Baudelaire mis en musique par AS Dragon. Oh. On écoute tout de suite. De grandes mers dont les moussons me portent vers le charmant climat où l'espace est plus bleu et plus profond, où l'atmosphère est parfumée par les fruits, par les feuilles et par la peau humaine. Dans l'océan de ta chevelure, j'entrevois un port fourmillant de chants mélancoliques, d'hommes vigoureux de toute nation. Architecture fine et compliquée sur un ciel immense où se prélasse l'éternelle chaleur. Laisse-moi respirer longtemps l'odeur de tes cheveux et plonger tout mon visage comme un homme atterré dans l'eau d'une source et les agiter avec ma main. Comme un mouchoir odorant pour secouer les souvenirs dans l'air, dans les caresses de ta chevelure, je retrouve les langueurs des longues heures passées sur un divan, dans la chambre d'un beau navire, bercé par le roulis imperceptible du port, entre les pots de fleurs et les gargoulettes rafraîchissantes. Dans l'ardent foyer de ta chevelure, je respire l'odeur des tabacs mêlés à l'opium et au sucre. Dans la nuit de ta chevelure, je vois resplendir l'infini de l'azur tropical. Sur les rivages duvetés de ta chevelure, je m'enivre des odeurs combinées du goudron, du musc et de l'huile de coco. Laisse-moi mordre longtemps tes tresses lourdes et noires. Quand je mordis tes cheveux élastiques et rebelles, il me semble que je mange des AS Dragon, c'est un morceau qui s'appelle « Un hémisphère dans une chevelure », un texte de Baudelaire. Voilà. Ok, et donc du coup, le jeu du ping-pong musical, ça te fait penser à quoi ? Alors, je vais garder la chanson à texte, mais cette fois-ci, ce sera un texte en burkinabé, Donc tiré d'un album où je joue, donc qui est sorti, qui vient juste de sortir. Le titre s'appelle Canula Banco et c'est un morceau de Siaka Dembélé avec Nicolas T à la batterie, donc Siaka percussion et chant, François Galix à la basse électrique et Linda Galix au piano et Adama Koueta aussi à la cora. Ah pardon. Et donc le groupe s'appelle, rappelle-nous, Afro Jazz. Super, c'est parti. Jarabi, jarabi, kambele nungo jarabi, jarabi, demise nungo jarabi, jarabi, musokoro luko jarabi, jarabi, jarabi mangele jarabi, kanula banko. vous écoutiez Afrojazz, un groupe dans lequel Linda officie. Et donc cet album, ce 7 titres, il est sorti, il est disponible ? Il est disponible chez nous. D'accord. À Nas, donc à côté de Lamastre. Non, mais autrement, les gens peuvent aller voir aussi sur le site www.afrojazz.fr. Afrojazz, tout simplement, AFROJAZZ.fr. Et ben, c'est super chouette en tous les cas, c'est magnifique. Et c'est la kora, c'est donc un instrument à cordes qu'on entend au début. Voilà, c'est ça. À l'introduction. Super. Enfin, aussi. Ouais, très très chouette. Du coup, moi je vais partir vers les États-Unis. Ça va être un peu plus compliqué de créer un lien avec le groupe Vampire Weekend. Vampire Weekend, il y a toujours quelque chose, une influence de la musique africaine et des rythmes africains. Je ne sais pas exactement d'où ça leur vient. Ils sont de New York. Ils sont connus en fac de musicologie. Et voilà, ils revendiquent vraiment cette influence de la musique populaire africaine. Et ils décrivent leur genre de musique comme Upper West Side Soweto, avec des chansons donc musicalement très sophistiquées et influencées par des rythmes africains comme la chanson Kapé Code Kwasa Kwasa, qui fait référence au soukous. Et pour savoir ce que c'est que le soukous, il faudra écouter le titre en entier et on en parle après. On écoute Vampire Weekend, c'est extrait de leur premier album qui s'appelait Vampire Weekend. Thank you. c'était Vampire Weekend. Donc, je te laisse dire le titre. Le morceau s'appelait Cap et Code, quoi ça. Et donc, on a dit que c'est inspiré du style du soukous, c'est un style de musique donc, qui nous vient de la République démocratique du Congo. Un mélange de rumba cubaine des années 50 et du rythme kwassa, qui vient donc du Congo. Qu'est-ce que tu nous proposes ? Alors, ça m'a fait penser pas mal à une introduction d'un morceau qui s'appelle Poinciana. C'est, entre parenthèses, c'est le nom d'un arbre africain. Donc là, c'est Ahmad Jamal, le pianiste Ahmad Jamal, qui est toujours en vie, qui a enregistré en 1958 un album génial avec ce titre, Poinciana. Thank you. vous écoutez Ahmad Jamal sur la Radio des Boutières, votre émission c'est Zik Actu, et on s'adonne au ping-pong musical avec Linda. Donc Linda nous a passé le morceau Poinciana de Ahmad Jamal, et moi le thème m'a beaucoup fait penser à deux choses, à Caravan, le standard jazz de Duke Ellington, mais aussi à la musique de Brésil de Terry Gilliam, qui s'appelle tout simplement Brésil. Et on est parti plutôt sur, on va rester dans le jazz, pas partir tout de suite sur l'afro-cubain, quoique finalement ça serait cohérent aussi. Et on va donc écouter Caravan de Duke Ellington. Thank you. Ah là là, bon choix Gaël. Merci. Caravane, Duke Ellington, Billy Strayhorn. C'était tiré de l'album Money Jungle. Et pour continuer, donc, j'ai, ça me fait beaucoup penser, alors évidemment, Duke Ellington à Thelonious Monk. Donc, c'est tiré de l'album Live in Paris de 1967, Monk's Mood, et c'est Lulu's Back in Town. Je suis désolé, je vais devoir couper un peu le chorus parce que le morceau dure 16 minutes, ce qui fait quand même un bon quart d'émission de Zikactu. Donc vous écoutez Thelonious Monk et le morceau s'appelle Lulu's Back in Town. un très beau morceau de jazz. Et le thème m'a un peu rappelé le thème de Lullaby of Birdland, initialement chanté par Ella Fitzgerald, à mon avis. Oh oui. À la base. Ouais, c'est sûr qu'elle l'a chanté. Et du coup, on va écouter Lullaby of Birdland, mais on va partir sur une version un peu moins ancienne que celle d'Ella Fitzgerald. On va partir avec Chaka Khan, Lullaby of Birdland. Ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, Bill and Coo, when they're in love? That's the kind of magic music we'll make with our lips when we kiss. Sweet, and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're love. Pick up a heart to turtle doves, Bill and Coo. Sweet, and then we'll go flying high in birdland, high in the sky. Above us, oh, because of baby, we're in love. Lullaby of birdland. Ooh, lullaby of birdland. C'était Chaka Khan, Lullaby of Birdland. Ça m'a fait penser au Big Band d'Ardèche d'ailleurs. Un petit hommage à Pascal Torgue. Nous allons enchaîner avec, pour rester un peu dans la soul music, un peu beaucoup même, avec Marvin Gaye. Et j'ai choisi donc le titre Merci Merci Me, un hommage à l'écologie. Vas-y Marvin. On the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. Our things ain't what they used to be. Lost mother, radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby us die. Mercy, mercy. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand that? C'était Marvin Gaye avec le morceau Mercy, Mercy Me, extrait de l'album What's Going On de 1986. Et voilà, on remonte tout doucement l'histoire du jazz pour arriver à la soul music. Et du coup, on arrive finalement, voilà mon lien logique, on va arriver dans les années actuelles. Et donc, on va finalement revenir et boucler la boucle. On va revenir à Afro Jazz, le groupe de Linda, parce que c'est quand même une exclusivité international. Et en plus, on a la chance d'avoir Linda ici, qui peut peut-être nous parler un peu de ce disque, du coup. Afro Jazz, il a été enregistré à quelle période ? Alors, en octobre 2014. Donc, c'est pas vieux. Hein. Il vient juste de sortir. Donc, c'est un disque avec Nicolas T à la batterie, Siaka Dembélé, chanteur et percussionniste, François Galix à la contrebasse et à la basse électrique, Adama Koeta à la cora, et il y a un morceau avec Jean-Pierre Moncada, un saxophoniste. Ok, voilà. Ben moi j'ai envie de passer la piste 4, tiens, Train, tu peux nous en parler un peu ? Alors ça c'est une compo que j'ai écrite rapidement, et en fait la prise que vous allez entendre c'est la première qu'on a faite. D'accord, donc c'est le morceau express alors. Le morceau express. Vous écoutez donc un morceau express. Un hommage à Coltrane. Un hommage à Coltrane de ouais. Afro Jazz, merci Linda. Du compact disque. Finalement, on critique beaucoup les MP3 et l'ère du numérique, mais ça a quand même ses avantages. Je suis désolé, Linda. Et bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire en fait. Vous tapez www.afrojazz.fr et puis vous allez vous renseigner ce groupe, vous allez les voir en concert et ça sera la meilleure solution pour entendre en qualité optimale et sans que ça saute. Du coup, je sais plus à qui c'est, mais c'est à toi. Eh ben oui. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes ? Donc, du coup, je vais vous proposer d'entendre un ami saxophoniste qui va venir nous voir au mois d'avril, avec lequel on va jouer chez Marie Café à l'APRA et chez nous à Nas, voilà, Nas Vergioc sur Ormez. Donc, il s'appelle Ben enfin c'est Benjamin son vrai prénom, Ben Solomon, et il vient de Chicago. Et on va vous faire écouter un titre de son groupe avec notre ami contrebassiste Géro Portal Quintet, et ça s'appelle Four Green Vibes. Ben Solomon au saxophone ténor. Voilà, c'est le Géro Portal Quintet. Et vous, juste avant, vous entendiez donc un chorus de Ben Salomon. Solomon. Excuse-moi. Je faisais pareil. Non, Solomon. Et donc, Géro Portal Quintet. Ça, c'est Géro Portal, il est français ? Et oui, il est de Bourges. C'est un contrebassiste qui joue aussi de la batterie, d'ailleurs. D'accord. Et Ben Solomon, lui, par contre, il est de Brooklyn. Donc le groupe Chicago. De Chicago, ouais. D'accord. Ah ouais, non, l'enregistrement est fait à Brooklyn, c'est pour ça que ça m'a induit en erreur. Et donc, comment tu fais pour faire venir des pointures comme ça dans le coin ? C'est quoi ton secret pour faire venir des Américains en Ardèche ? Mais ils sont venus une fois en juin dernier, 2013. Non, 14. Oh punaise, j'ai planté dans une date. Ouais. 14. Oui, et du coup, Ben avait envie de revenir nous voir, donc il va passer en Allemagne peu de temps avant avec, c'est pas n'importe qui, punaise, avec Wallace René, hein, celui qui a remplacé Miles Davis. Ah oui. Voilà, un super trompettiste. D'accord. Et il va passer nous voir pendant une semaine, après sa tournée en Allemagne. Alors, est-ce que tu peux redonner les dates exactes de Ben ? Alors, Ben, Il sera accompagné normalement de Géraud Portal, le fameux contrebassiste qui joue aussi de la batterie. Donc là, il jouera de la batterie, Géraud. Il y aura Ben au saxophone, François Galix à la contrebasse et moi-même au piano. Cool. Donc, on ça, va c'est jouer quelle date? Le 3 avril, chez Marie, à l'APRA. Marie Café. Voilà, Marie Café. À l'APRA, entre les Nonnières et la Mastre, donc le vendredi soir. Voilà. Et le lendemain soir, chez nous, à NAS, c'est NAS, c'est un hameau qui s'appelle comme ça. D'accord, vous organisez des concerts chez vous. Du voilà. Coup. Ok, donc toujours orienté jazz. Et d'accord, pour retrouver les dates un peu de tout ça, comment il faut faire pour les... il faut aller sur le site d'Afro Jazz. Sur Afro Jazz, il y a tout. Ouais. Ok, et bah écoute, impeccable. Merci beaucoup Linda pour ton expertise sur le jazz et ta science. Merci Gaëlle. C'était super agréable de découvrir autre chose et puis moi ça me change un peu de... Ça me sort un peu de chez moi quoi. Ça me sort un peu de mes habitudes musicales. Et donc voilà, cette émission touche à sa fin comme nous l'indique cette petite musique. Donc encore merci Linda qui est du coin, que vous pouvez retrouver en concert un peu partout, là on l'a dit, mais finalement elle joue souvent, elle joue très très souvent dans la région, donc vous l'avez peut-être déjà entendu et vous l'entendrez sûrement encore beaucoup. Merci beaucoup Linda, j'espère que ça t'a plu ce petit ping-pong musical. Ah ouais. Que tu reviendras parce que le jazz, il y a tellement de choses à passer, évidemment on peut pas dire qu'en une émission on a fait le tour du jazz, ça serait un scandale absolu. Ouais, avec plaisir. Donc on pourra se refaire une deuxième édition un peu plus tard. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de Saint-Patrick. Allez donc boire des bières avant qu'il ne soit trop tard. Et je vous dis à dans 2 semaines. Au revoir.